Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Oui, bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. C'est haut un piédestal, hein? C'est le fun un piédestal. Ça donne une vue de haut. Sur les autres, sur... C'est bon pour l'ego. Mais... Même s'il est solide, là, même si il est fait en marbre d'Italie, même s'il est bien beau, lustré, magnifique, très imposant, on peut quand même en tomber. Et plus il est haut, et plus la chute est grande. C'est ce qui est arrivé à trois géants du showbiz, hein, le producteur Weinstein aux États-Unis, Roson et Salvaille au Québec, des géants. Et là, vous dites, ben, c'est quoi le lien avec l'économie? En fait, ça en a, hein, ça plein d'impact économique, pour vrai. Et ça permet des réflexions aussi sur l'économie. Je laisse les réflexions sur la société et les victimes aux experts et expertes qui se sont prononcés fort bien d'ailleurs pour dire que dénoncer c'est vital, pour dire qu'on est en train de vivre une période de changement et pour le mieux, c'est vrai. Mais parmi les réflexions moi qui me sont venues, j'ai pensé à notre émission et aux aspects économiques. Et une chose revenait tout le temps. Vous avez vu comment ces histoires-là mettent en lumière de façon magistrale la puissance de ceux qui employaient les victimes? Parce que c'est très économique, ça, comme questionnement. Ça me rappelait à quel point le rapport salarial, il est violent. À quel point le pouvoir économique est pesant. On l'a beaucoup entendu, hein. J'ai pas parlé, je l'ai pas dit, j'ai pas dénoncé, j'avais peur pour ma job. Avec raison. Le capitalisme, en termes de rapport social, est un rapport de domination. C'est la domination qui s'articule dans l'enrôlement qu'est le rapport salarial, le salariat. Le salarié, le contractuel, ben lui, il doit obéir, hein. C'est sa situation économique qui est fragile. Et ce qu'il distingue du capital, qu'on appelle comme ça, celui qui possède le capital, ben celui-là, il peut attendre, hein. Il peut... laisser fructifier ses avoirs, tandis que le salarié, lui, ben, il faut qu'il gagne de l'argent tous les jours pour vivre. Alors ça, c'est un fait. Le capital peut rien faire sans ses salariés, mais le salarié dépend méchamment de son revenu, hein. Alors il endure. Alors il se tait. C'est un dilemme cruel et épouvantable. Et c'est beaucoup ce qui fait que certains grands princes se sont permis d'abuser pendant des années. La menace économique, notamment, était trop efficace. Ben, c'est en train de changer, hein? Et c'est tant mieux. Tant mieux. Évidemment, certaines victimes ont eu de la misère à retrouver du travail. Et là, on parle de ce que perdent maintenant les grands princes, hein? Salvaille a perdu toutes ses émissions, ses commanditaires. Roson a perdu ses émissions, démissionne de son entreprise. Il le paie cher et c'est justifié. Mais pour prouver que c'est pas égal... dans le système capitaliste, si vous pensez qu'ils ont tout perdu, détrompez-vous. Salvaille a eu l'intelligence d'investir dans l'immobilier et en vendant sa compagnie, il va faire de l'argent. Roson aussi, il est dans l'immobilier et en vendant ses actions dans Juste pour rire, vous allez voir qu'il va en avoir du capital. Et ce sera même pas drôle. Bienvenue à Econophile. Alors, pour nous trouver sur Internet et réseaux sociaux, facebook.com, bien sûr, / Econophile891. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission sous le bandeau. On voit le bouton « En savoir davantage ». Vous cliquez et hop, ben, vous arrivez, vous retrouvez sur le blog. Ou encore directement, plus facile encore, en visitant le econophile.net. Pour lire des textes inspirés des thèmes que nous vous présentons, incluant des références aux articles et livres qui servent nos présentations. Vous y trouvez également la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions, bien sûr, pour écouter ou réécouter quand bon vous semble entre deux défaites du Canadien. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Bonjour, David. Que je retrouve en chair et en os. Ça me fait plaisir. Tu vas être meilleur qu'un CD, d'après moi. Oui. Jean-Claude, sujet très, très intéressant et tout à fait d'actualité. Évidemment, on est en campagne électorale au municipal, mais on voulait nous parler de l'économie, l'échelon municipal. Oui, exactement. Puis peut-être, ce que j'aimerais mentionner dans l'entrée de jeu, c'est que, dans le fond, c'est la dimension spatiale de l'économie. C'est une chose dont on parle rarement, mais moi, ça m'a toujours intéressé. C'est-à-dire que l'activité économique, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça s'incarne à quelque part dans un lieu. Puis typiquement, bien, c'est l'opposition entre les villes, qui est une façon d'organiser l'activité économique, et le restant du territoire, c'est-à-dire les campagnes et les territoires ressources. Donc, ça nous permettra peut-être d'explorer un petit peu de cette dimension spatiale, comment l'activité économique s'organise dans l'espace. Et c'est d'autant plus pertinent qu'on est un peu en mutation aussi. Hein? Évidemment, les politiciens veulent toujours avoir plus de pouvoir, mais il y a de très bons arguments aussi derrière tout ça. Donc, c'est une réflexion globale qui se promet d'être intéressante. Et d'ailleurs, pour discuter de ce sujet, je me suis entretenu avec le professeur Mario Polez du Centre Urbanisation, Culture, Société à l'INRS. Avec lui, nous parlons du rôle des villes dans le développement. On fait un survol des performances, notamment de Québec. Hein? Donc, ce sera intéressant. Et puis, vers 13h40, Isabelle Vaillancourt vient nous parler de ce que certains investissements qui paraissent lourds permettent d'économiser. Hein? On parle de développement durable ici. Donc, ça, c'est vers 13h40. Et puis, Jean-Claude, chiffre de la semaine, Un gros chiffre encore, 38,3 millions. 38,3 millions, faut que je devine ce que c'est. Écoute, c'est un peu plus que 38,2, je dirais. Mais la réponse de tout ça en fin d'émission. Je trouvais que mettre Sherlock, ça fitait pour pouvoir réfléchir un peu, essayer de deviner c'est quoi ce chiffre-là. Jean-Claude, pour commencer, peut-être parlons des quelques chiffres là, sur les municipalités au Québec. Là. Oui, c'est effectivement. Au Québec, il y a quand même 1100 municipalités. C'est quand même beaucoup. C'est plus, en fait, que dans la plupart des autres provinces, parce que malgré les fusions qui ont fait beaucoup de bruit il y a une quinzaine d'années, on a encore beaucoup de petites municipalités. Puis c'est très diversifié, parce qu'il y a des villes mono-industrielles là-dedans, il y a des grandes villes, il y a des villes moyennes. Peut-être aussi mentionner que parmi les petites, là, en 2014, il y en avait 718 de moins de 2000 habitants. C'est vraiment des petites municipalités. Ouais. Par contre, il y en avait 10 de plus de 100 000 habitants, dont 1,7 million à Montréal, puis autour d'un demi-million, même un peu plus, là, à Québec et à Laval. Puis peut-être mentionner aussi, parce que c'est important, quand on parle d'urbanisation, il y a 47 % de la population du Québec, c'est-à-dire presque la moitié, qui vit dans des municipalités de plus de 100 000 habitants. Donc, le Québec est quand même très, très urbanisé, pourrions-nous dire. Il y a aussi, question de ce qu'elle prélève, injecte dans l'économie. Évidemment, on parle de taxes, on parle de toutes ces questions-là. Oui, parce que surtout dans le contexte d'élections municipales, moi, je suis tout fasciné. Oui. Combien il y a de candidats qui parlent, qui promettent qu'ils augmenteront pas les taxes. C'est une dimension importante, évidemment. Mais justement, à cause des taxes qu'elles prélèvent, les municipalités sont un agent économique très, très important au Québec. D'abord, en termes d'emploi, les municipalités emploient 111 000 personnes au Québec. C'est plus que le gouvernement du Québec. Si on exclut le réseau de la santé et de l'éducation, et qui est à 88 000, le gouvernement du Québec, puis c'est plus que le gouvernement fédéral au Québec, qui est à 85 000 emplois, lui. Donc, à 111 000 emplois, on est peut-être le principal employeur au Québec. Si on tient compte des organismes sous contrôle du gouvernement, comme les sociétés d'État, c'est quand même... les municipalités versent plus de 6,2 milliards en salaires et en traitements. Et c'est... C'est des employeurs importants, je peux en témoigner. Ben c'est ça, puis... ouais, effectivement. Puis en termes de dépenses, là, parce qu'il n'y a pas rien que des emplois, il y a aussi des achats de fournitures, ils achètent des services de toutes sortes de toute nature, c'est quand même 15 milliards qu'elles injectent dans l'économie du Québec. Puis bon an, mal an, là, ça peut varier d'une année à l'autre, puis ça dépend aussi des règlements d'emprunt qu'ils réussissent à faire passer. En moyenne, c'est autour de 4 milliards qu'ils empruntent à chaque année. Donc, c'est un agent économique. Si on raisonne en termes, non pas politique, mais en termes d'agent économique, les municipalités, c'est un acteur très important dans l'économie. Donc, ceci étant dit, on va tout de suite écouter Mario Pollez pour la première partie de l'entrevue où on est un petit peu plus général, justement, sur le rôle économique des municipalités, en fait, même des villes. Vous allez voir, il précise les termes. C'est un chercheur, ça paraît. On peut pas glisser n'importe quoi. Donc, voici M. Pollez. Dans nos économies modernes, okay, les activités économiques se concentrent de plus en plus dans des villes. On a délaissé l'agriculture et aujourd'hui, les villes sont un peu, on veut dire, le centre de l'économie. Et c'est devenu les centres, c'est donc un changement. Pourquoi il s'appelle un changement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a décidé, par exemple? Évidemment, c'est une longue histoire et les pays en voie de développement sont en train de passer par les mêmes étapes. C'est que tout simplement, la productivité agricole a augmenté telle qu'on avait besoin de moins en moins de personnes sur la terre. En même temps aussi, on ne peut pas manger plus que 3 repas par jour, donc la demande pour les denrées agricoles a en quelque sorte plafonné, si bien qu'il y avait trop de main-d'œuvre dans les campagnes. Et les gens ont délaissé les campagnes au Québec comme ailleurs pour aller dans les villes. Et les activités économiques que nous consommons, comme votre émission de radio, que ce soit un téléviseur, un appareil, un ordinateur ou peu importe, ces choses-là sont mieux construites, mieux fabriquées, si on veut, mieux produites dans des villes. Il y a quand même, je présume, bon, on comprend que l'activité économique des villes est devenue de plus en plus importante. D'ailleurs, on entend les politiciens aujourd'hui beaucoup réclamer davantage de pouvoir, même des capacités fiscales pour être capables d'assumer leurs responsabilités. Comment vous voyez ça, les espèces d'interactions, si on veut, entre les différents paliers gouvernementaux, parce qu'il y a quand même une espèce de jeu entre les deux qui existe? Bien sûr, tout le monde veut toujours plus de pouvoir, c'est normal. Mais il ne faut pas quand même avoir des illusions pour les villes, c'est que les grands outils de développement économique vont toujours rester à l'échelle des nations ou, dans notre cas, des provinces. Donc, que ce soit la politique monétaire, la politique commerciale, les grands investissements en infrastructure, ça restera toujours dans les mains des provinces ou, dans notre cas, de la fédération. Les villes ont des fonctions très importantes, mais les grands mécanismes de développement économique sont nécessairement nationaux. Il y a quand même des différents défis qui se posent. Qu'est-ce que vous pourriez cibler comme au niveau municipal, des défis, je peux parler entre autres, notamment, il y a quand même des rivalités entre les villes. Tout le monde veut plus de pouvoir, mais les villes veulent aussi être le centre d'attrait économique. Il y a des défis considérables quand même. Puis là, votre question cache une distinction importante. Sans vouloir être trop technique, là, quand on utilise le mot « ville », vous et moi, au fond, on l'utilise dans deux sens. Et parfois, il y a une confusion. Ville comme municipalité, okay? Là, c'est un vrai palier de gouvernement. Et comme vous dites, il y a toutes sortes de concurrences entre les villes à ce niveau-là, quand on utilise le mot de cette façon-là. Mais « ville », dans votre première question de but, c'est aussi un mot qu'on utilise de façon générique. Okay? Les choses sont de plus en plus concentrées dans les villes. Et là, on pense spontanément, par exemple dans votre cas, dans la région de Québec, oui, qui est une ville au sens générique, mais qui comprend aussi plusieurs municipalités, pour ne nommer que Québec et Lévis. Donc, parfois, on mêle les deux. Okay? Et quand on parle de plus de pouvoir pour les villes, ce n'est pas les villes au sens générique, mais c'est les municipalités qui veulent évidemment plus de pouvoir. Et parfois aussi, il y a concurrence entre les municipalités. Mais les municipalités ont quand même un certain nombre de responsabilités, notamment en termes de transport urbain, d'infrastructure, que les rues fonctionnent, que les trottoirs fonctionnent, d'aménagement urbain. Okay? Et ça aussi, ça prend des fonds. Vous voulez une sécurité publique. Okay? Ça, en bonne partie, ce sont les responsabilités à l'échelle locale, municipale, chez nous au Québec. Et c'est important d'avoir une ville sécuritaire. C'est important d'avoir des rues qui sont correctement maintenues et qu'il y a une certaine fluidité de trafic. Tout ça, ce sont des facteurs aussi de développement. Donc, il y a différentes fonctions à différents niveaux. Okay? Si on pense, par exemple, à la politique monétaire, ben, c'est nécessairement une fonction fédérale. L'urbanisation, c'est une des responsabilités les plus importantes des villes, qui inclut, évidemment, de la planification, de la stratégie et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De quelle manière ça s'inscrit dans le développement économique? C'est très important d'avoir un marché immobilier flexible. C'est-à-dire que quand une entreprise ou une famille veut s'implanter, il faut qu'il y ait du logement, il faut qu'il y ait de la place. Donc, il faut que le marché immobilier fonctionne correctement. C'est une des éléments de base du développement économique. Donc, ça, tout ça, ça revient à la ville. La mondialisation est une réalité. De quelle manière ça peut affecter les villes, si je reviens au concept un peu plus large? Au moment où on se parle, la globalisation va un peu dans le sens inverse. Les tendances actuelles, grâce à notre ami M. Trump à Washington, oui. On est plutôt devant un flambé de protectionnisme. Or, peut-être globalisation, mais le grand défi va un peu dans le sens pour le Canada, je parle pour nous. Le défi pour nous, actuellement, c'est plutôt de garder les frontières ouvertes, de garder l'accès au marché américain pour nos produits et nos services, et de s'assurer non plus que l'entente, par exemple, avec l'Europe ne s'écroule pas. Or, c'est là un défi très important pour Québec, pour l'argent de Québec, parce qu'une bonne partie des produits produits dans la région de Québec vont vers le marché européen et surtout le marché américain. Donc, c'est effectivement un défi. Alors, Jean-Claude, table est mise. On a parlé notamment d'urbanisation. En fait, cet aspect-là est très important dans l'économie des villes, en tout cas. Oui, M. Pollès n'a pas trop insisté là-dessus, mais moi, j'ai refeuilleté cette semaine un livre qu'il avait écrit il y a quelques années, parce qu'il faut rappeler que M. Pollès est quand même un des spécialistes là, de l'urbanisation et des aspects économiques des villes au Québec. Et un des livres qu'il avait écrit, il mentionnait justement que c'est presque une loi économique, ça, que le développement économique, ça marche en parallèle ou de pair avec l'urbanisation. Autrement dit, puis c'est un phénomène de boule de neige. On dirait que plus l'agglomération urbaine est grosse, plus qu'elle génère de l'activité économique, puis plus qu'elle grossit. Évidemment, ça pose un problème le connexe, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une taille optimale, parce qu'on sait très bien que plus la ville grossit, s'il n'y a pas les services de transport adéquats, s'il n'y a pas les aménagements d'urbanisme adéquats, ben ça peut devenir, il peut générer beaucoup de problèmes aussi. Il a fait allusion tantôt à le problème de question de sécurité. Les villes doivent assurer une sécurité, mais peut-être quand la taille grandit, ça devient de plus en plus difficile. Et les questions de pollution, les questions d'environnement, on a su cette semaine, là, dans les derniers jours, que l'Organisation mondiale de la santé là, attribue, je ne sais pas trop quel pourcentage, des décès là, aux problèmes d'environnement, des problèmes de pollution. Donc, les villes sont, je pense, en tout cas, les grandes villes sont un peu... Et évidemment, les élus municipaux sont confrontés à cette espèce de recherche d'équilibre. Là, croître, c'est important, puis ça génère de l'activité économique, mais jusqu'à quel point on doit croître, ou comment est-ce qu'on doit croître, comment qu'on doit s'organiser, comment on peut s'organiser pour, dans le fond, minimiser les inconvénients liés à la grande taille. On va parler un petit peu plus tard, disons, de la relation, de la façon qu'on interagit entre les différents paliers gouvernementaux, mais justement, tu soulèves ces questions-là qui sont très importantes. C'est beaucoup confié, je trouve, quand même, à des élus dont c'est pas forcément l'expertise, d'où l'importance de pouvoir s'appuyer sur notamment une fonction publique compétente, parce que c'est bien le fun de dire nos élus vont décider ce qu'on fait du développement économique. C'est tellement complexe, tellement sérieux, c'est tellement, même il y a beaucoup d'impondérables, que de confier ça à des élus, ça peut être une bad luck. Il peut se passer, c'est pas évident autrement dit. En tout cas, là, tu touches à une situation que moi j'ai vécue souvent, étant un ancien fonctionnaire du gouvernement du Québec. Mais moi, comme bien d'autres de mes collègues, j'étais souvent un peu critique face au gouvernement, disant aux élus, c'est-à-dire qu'ils ne nous écoutent jamais. Ouais. Mais en même temps, à chaque fois, je me disais, oui, mais eux sont élus, puis au moins, ils ont le courage d'aller se présenter devant la population. Puis bon, on a des fois peut-être qu'ils se trompent, mais au moins ils vivent avec les conséquences de leurs actes. Ça, c'est vrai, mais en même temps, il y a beaucoup de questions d'image. T'sais, c'est de trouver l'équilibre parce que oui, ils se présentent, oui, tu veux essayer de vendre des slogans, tu veux vendre des idées aussi, puis des projets, ça, c'est vrai. Mais t'sais, en même temps, tu essaies d'écouter ta fonction publique, tu essaies de trouver l'espèce de juste milieu. Le milieu, pas toujours au milieu. Des fois, il tend d'un bord ou de l'autre. Ce que ça évoque, pour moi, ce que tu dis, c'est la menace du populisme. M. Pérez a fait allusion à Trump. On pourrait trouver des exemples au Canada, au Québec, Québec puis dans les municipalités, c'est-à-dire que le politicien, parce qu'il y a un échéancier électoral qui s'en vient très vite, peut, dans le fond, prendre le plus court chemin, c'est-à-dire essayer de faire plaisir à certains électeurs en leur promettant des choses à court terme. Et donc, parfois, et même, je dirais même assez souvent, ça peut être dangereux pour le moyen puis le long terme. C'est-à-dire qu'on peut satisfaire des besoins immédiats, mais c'est au détriment, dans le fond, d'un équilibre à long terme, notamment au niveau des pollutions, des dommages environnementaux que ça peut créer, des problèmes de sécurité que ça peut poser éventuellement. Parce que le développement durable, d'ailleurs, amène beaucoup en disant vous pouvez peut-être vous dépêcher de gaspiller, mais penser à long terme, c'est penser à vos ressources. Oui, puis c'est important aussi de mentionner, parce que dans les quelques chiffres d'introduction, je ne l'ai pas mentionné, mais il faut se rappeler aussi que les municipalités sont des acteurs en environnement extrêmement importants, notamment au niveau de la collecte des ordures, au niveau de l'approvisionnement en eau potable, au niveau des espaces verts, au niveau du développement du transport en commun. Donc, c'est un acteur, là, puis là, je prends un peu l'inverse de ce que tu disais, ce qu'on disait tantôt, ce que M. Paulès disait, pardon, c'est que c'est certainement que les gouvernements supérieurs, comme le gouvernement du Québec, ont des pouvoirs peut-être plus considérables les municipalités, mais peuvent bien prendre les plus belles politiques en environnement. Souvent, c'est les municipalités qui ont appliqué ces politiques-là ou à s'assurer, en tout cas, qu'on ne crée pas des dommages irréparables à l'environnement. Parmi les notes que tu as laissées, tu écris « L'évolution des marchés peut aider ou nuire hein, », parce qu'il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Bien, on a eu l'exemple au Québec, c'est un cas assez historique, dans le fond, qu'on a vu souvent au fil de l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de municipalités au Québec, notamment dans les régions ressources, qui sont des villes mono-industrielles, c'est-à-dire des villes basées soit sur les mines, soit sur les pâtes et papiers, soit des usines de siège, soit des pêcheries, dans le cas de la Gaspésie. Mais on s'est rendu compte dans l'histoire que souvent, ça allait bien pendant quelques années, mais ça pouvait se dégrader très vite. Puis on a, au fil des dernières décennies, on a vu des fermetures de villes pratiquement, comme Shefferville, ou parce que le fer, le minerai de fer se vendait mal, ou Murdochville, parce que le cuivre se vendait mal. On a eu, dans le cas de la région de l'Amiante, beaucoup de fermetures d'usines, et donc de mines, c'est-à-dire, et donc des problèmes pour des villes comme Thetford Mine, ou Asbestos, ou Black Lake. Donc, dépendant de ça, sur quoi repose l'économie de la ville, ça peut être assez hasardeux, des fois. Ça peut se dégrader très vite. Prenons un exemple comme la grande région de Montréal, qui est beaucoup fondée sur l'aéronautique. En fait, c'est ce qu'on appelle un fleuron. Là. Oui, un peu moins. Mais... on voit présentement que la fortune de l'aéronautique, ça peut être à la merci, dans le fond, d'intérêts protectionnistes de nos concurrents. Donc, même là, ça peut être fragile, même si, dans le fond, l'aéronautique, ça va bien, ça va toujours bien malgré tout, là, mais ça peut être assez fragile parfois. D'où l'intérêt de la diversification, d'ailleurs. C'est une des choses qu'on disait de Québec. On dit encore, même souvent, que c'est une ville de fonctionnaires. C'est pas vrai. Il y a une très forte base de fonctionnaires qui fait en sorte, d'ailleurs, que cette fonction publique-là donne une stabilité économique qui est louable et dont on a besoin. Mais la ville de Québec est très, très, très diversifiée, ce qui fait qu'elle réussit à passer au travers des différents aléas. Bien, ça s'est beaucoup amélioré au fil des années à Québec, effectivement, sous cet angle-là, en tout cas. Mondialisation, on a glissé un petit mot. Lui a parlé vraiment de l'aspect du fait que le protectionnisme revenait à l'agenda. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bien, c'est-à-dire, oui, c'est intéressant, puis il a tout à fait raison, M. Paulès. Par contre, il disait que, dans le fond, avec le protectionnisme, notamment sous la responsabilité de M. Trump, là, ça pouvait être inquiétant pour... les villes perdaient un peu de leur pouvoir d'attraction des entreprises parce que c'est un peu... On inverse un peu le mouvement qui s'était manifesté depuis quelques années. Moi, je trouvais intéressant, c'est-à-dire la mondialisation, ce que ça voulait dire, dans le fond, avec les accords de libre-échange, c'est qu'on renonçait à des politiques protectionnistes. Puis ça, ça avait pour effet... toute proportion gardée, d'augmenter le rôle des villes, notamment pour attirer des entreprises là, dans des domaines de technologie, des domaines de création, des domaines d'avant-garde, des domaines vraiment très dynamiques, parce que... Prenons l'exemple d'Amazon qui est dans l'actualité présentement. C'est le genre d'entreprise que les villes veulent attirer parce que des secteurs en croissance rapide qui engagent des gens très qualifiés, qui versent des très bons salaires. Alors, justement, la compétition se faisait au niveau des villes. Tenez qu'il n'y a plus de barrières tarifaires, plus de subventions qui sont permises par les gouvernements supérieurs. Ça repose sur qu'est-ce que la ville a à m'offrir si je veux investir à quelque part. C'est quand même aussi une surenchère assez triste, là, à cet égard-là. C'est ça, mais dans le fond, ce que ça voulait dire, c'est ça, c'est que la mondialisation on pourrait faire, dans le fond, d'augmenter l'intérêt relatif des villes. C'est-à-dire, la compétition se fait maintenant au niveau qu'est-ce que les villes offrent plutôt que ce pays-là, que ça de tarifs, que ça de subventions qu'il me donne, que ça de réglementations qu'il m'impose. La compétition se fait entre des villes. Un peu comme ça se faisait au Moyen-Âge, un peu comme ça se faisait dans l'Antiquité. C'était M. Polaise, il n'a pas tout à fait tort là-dessus. Il dit, ouais, mais là, peut-être la mondialisation est en train de s'inverser. On est peut-être en train de revenir au protectionnisme. Ouais. Ce qui, dans le fond, remettrait un peu la balle dans le camp des gouvernements supérieurs, gouvernement provincial ou fédéral. Retour peut-être à la politique nationale dont on a parlé ici il y a quelques semaines. C'est vrai. Jean-Claude, le temps file. Je pense que je filerai tout de suite au deuxième bloc, si tu me permets, sans plus attendre, parce qu'on est vraiment dedans. Puis de toute façon, c'est tout à fait lié. Parlons justement de ces interactions entre les acteurs économiques du municipal, provincial et fédéral. Moi, je peux le dire, pour travailler dans une ville, c'est pas toujours évident. Quand on dit ils peuvent bien imposer des choses, en fait, ils en imposent beaucoup. C'est pas si facile que ça de réussir à articuler tes politiques économiques parce qu'il y a des attentes, il y a des contraintes, il y a beaucoup de critères. Hein? On envoie une liste de critères. Si tu vas avoir le chèque, il faut qu'il y ait ça au bout. C'est quand même toute une gymnastique, sérieusement. Oui, moi, je le prends un peu sous l'angle de... Puis M. Polaise l'a abordé tantôt, c'est-à-dire quels sont les instruments à la portée du gouvernement du Québec ou du gouvernement d'Ottawa, le gouvernement fédéral ou des municipalités. Puis les trois, dans le fond, ont certains moyens. Le gouvernement fédéral, c'est plus la politique nationale au niveau, justement, du taux de change, au niveau de la politique monétaire, ouais. Au niveau des tarifs douaniers, des choses comme ça. Le gouvernement du Québec, évidemment, a des subventions qu'il peut donner aux municipalités, mais c'est assorti des fois de conditions, comme tu viens de le mentionner. T'assures. Dans tous les cas, c'est assorti de conditions. Mais il reste que, on l'a mentionné un peu tantôt, les municipalités ont quand même un rôle important, notamment par la qualité de vie qu'elles peuvent offrir. Si tu veux attirer, c'est sûr que... Implanter une usine de siège ou une mine, ben là, que la ville fasse n'importe quoi, ça n'a pas de minerais d'or ou de cobalt sur son territoire, elle ne peut pas faire grand-chose, ou d'uranium. Mais hormis ces rares exceptions, il y a une règle. Mais à part de ça, autrement ça, si tu veux attirer des entreprises comme Amazon ou Ubisoft, des entreprises vraiment dans le domaine plus créatif, ben là, les villes, je pense, ont un pouvoir important, c'est-à-dire c'est la qualité de vie qu'elles vont offrir aux cadres supérieurs, aux professionnels hautement qualifiés de ces entreprises-là, si elles ont des espaces verts, si elles ont des activités culturelles à offrir, des installations culturelles aussi, des musées, des grands théâtres, des choses comme ça, si elles ont une mobilité, si ça circule bien, s'il n'y a pas trop de congestion, pas trop de pollution, je pense que ces villes-là ont un rôle important à jouer. Ils peuvent attirer justement ce genre d'entreprise que tout le monde souhaiterait avoir chez eux. Et d'ailleurs, oui, et cette interaction-là peut quand même causer certaines difficultés parce que tu dis y a des réelles contraintes, en fait, puis là, tu t'attends à ce que tu puisses avoir le chèque, mais faut que tu fites à l'intérieur du programme. Et je sais que c'est quand même un drôle de défi parce que les villes essaient, en tout cas, pour ce qui est de ce qu'on appelle les villes-centres ou, en fait, des cités régionales, notamment pour ce qui est des villes en région, ils essaient de se développer. Ils disent, ben pourquoi à ce moment-là, tu ne m'accompagnes pas ça soit de points d'impôt ou, en fait, de fiscalité différente. Et ça, là-dessus, on embarque sur un terrain où c'est très difficile parce que on veut pas aller ces morceaux-là. Parce que les morceaux de fiscalité permettent justement d'imposer des critères qui font en sorte qu'on va, nous, comme gouvernement ou comme parti politique au pouvoir, réaliser notre agenda. Donc ça, c'est tout un choc. Oui, bien ça, c'est un vieux débat que tu connais sûrement très bien, David, parce que tu t'intéresses à la politique municipale depuis longtemps, mais on l'a entendu, on le voit souvent dans l'actualité, c'est que les villes, l'Union des municipalités se plaint toujours que Québec ne donne pas assez de points d'impôt, qu'on est condamné à uniquement utiliser la taxation foncière. C'est un problème réel, mais il faut se rappeler que tu peux pas laisser tout le monde pouvoir imposer comme il veut, parce que faut se rappeler qu'au Canada, nous, les Canadiens, les Québécois, qui sommes aussi des Canadiens, mais nous avons tout au niveau d'imposition. Mmh. Puis ça, souvent, ce qui me frappe, c'est que ceux qui commentent les enjeux, les dossiers publics, oublient toujours d'accumuler les toits, c'est-à-dire que quand tu accumules ce que tu payes au fédéral, au provincial, au municipal, tu te rends compte qu'au Québec, on est à peu près 40% du PIB, de la production qui est taxée, alors qu'en Ontario, c'est autour de 34%, aux États-Unis, c'est autour de 22%. Mmh. Je dis pas que j'ambitionne pas de faire comme les Américains. Là. Je pense qu'il y a des problèmes là aussi. Non. Mais il reste qu'il faut toujours que tu sois conscient que si les municipalités peuvent imposer davantage, bien, il faudrait que le Québec se retire pour laisser de la place. Sinon, on se ramasse à 45%. Oui, oui. Non, c'est là tout le débat, puis c'est ce qui ne se produit pas, d'ailleurs. Non, parce que Québec, autant que le fédéral, ils veulent garder leur capacité d'imposition, parce que c'est avec ça qu'ils se font connaître de leurs électeurs. Évidemment, il y a dans les infrastructures où c'est un moyen d'investir massivement et de se faire remarquer aussi beaucoup. Et encore là, il y a beaucoup de travail de négociation. Souvent, c'est du tiers-tiers-tiers, d'ailleurs, qu'on voit dans le milieu, dans la façon de s'organiser. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Bien, moi, c'est un des aspects. Par contre, là, j'ai commencé tantôt, on disait que les municipalités, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont des moyens importants pour attirer de l'entreprise très intéressante. Mais évidemment, les gouvernements supérieurs ont un rôle important à jouer. Et puis, prenons l'exemple des grandes infrastructures. Je pense qu'il y a des infrastructures qui dépassent l'intérêt local, l'intérêt au sens là, d'une seule municipalité. Bon, à Québec, c'est le troisième lien. À Montréal, c'est le pont Champlain. Pour prendre des exemples comme ceux-là, ou le métro, c'est qu'il y a des infrastructures importantes qui débordent la sphère d'intérêt d'une seule municipalité. Et là, c'est évident que c'est les gouvernements supérieurs, notamment le gouvernement du Québec, doit contribuer au financement. Il doit même l'assumer à lui tout seul dans certains cas. J'ai pris l'exemple des infrastructures. Prenons une infrastructure comme le Grand Théâtre ou la Place des Arts à Montréal, ça profite pas juste aux Montréalais ou aux gens de Québec, ça peut rayonner sur l'ensemble de la région, peut-être même au niveau provincial. Donc, il y a des domaines où c'est normal que les gouvernements, comme le gouvernement de Québec, s'organisent pour faire l'investissement en question et le financent avec la contribution de tous les Québécois. Je pense qu'on réalise quand même, en entendant tout ça, qu'à quel point il y a une tonne de négociations qui sont nécessaires avec les partenaires, les voisines aussi, les villes voisines. Quand on parle d'équipements régionaux, ça fait aussi une tonne de négociations. C'est pour ça que c'est compliqué, hein? Oui, puis... Ben ouais. C'est comme ça. C'est ça. On fait une pause peu, bon rien. C'est l'émission Économophile qui se poursuit au 89.1 avec David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. Je me suis retenu, Jean-Claude, de faire des petites blagues personnelles et des commentaires personnels. Je suis assez fier de moi. Dans tout ce qu'on a dit là, dans les dernières minutes, je me suis retenu. Cela étant dit, donc, on continue de parler de l'économie à l'échelon municipal, d'où mon commentaire. Retour avec Mario Polaise maintenant. On parle vraiment de Québec comme région, comme performance économique. Et force est d'admettre, là, vraiment, oui, je le dis, oui, Québec se tire fort bien d'affaires. Mm-hmm. Que vous avez été en mesure de jeter un œil sur le progrès économique de la ville de Québec. Qu'est-ce que vous en diriez spontanément? Bien, spontanément, c'est presque un miracle. Je veux dire, ici, on utilise le mot « ville » dans le sens générique, précisément. Donc là, quand je parle de succès, je parle de la région métropolitaine de Québec. Ça comprend Lévis, Québec, etc. Et là, les statistiques ne mentent pas. Depuis presque une dizaine d'années, la région de Québec affiche le taux de chômage le plus bas de toute ville, de toute région métropolitaine canadienne. Même à l'époque, grande époque de gloire du pétrole, Québec avait parfois un taux de chômage plus bas que Calgary. Donc, c'est quand même assez extraordinaire pour une ville de cette taille-là. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que normalement, le manufacturier, on a tendance à regarder ça derrière. Le manufacturier joue un rôle à Québec. Joue un rôle très important. Québec n'est pas encore un grand centre manufacturier, mais est tranquillement en train de le devenir. Toutes les flèches vont dans la bonne direction. Ce qu'on peut appeler dans les manufactures intermédiaires, il faut quand même que quelqu'un produise les lampes, les ordinateurs, etc. Or, dans cette classe intermédiaire, Québec se comporte très bien et est en train de tranquillement, pas vite, d'accroître sa part. Est-ce qu'il y a comme facteur d'intérêt, je sais qu'il y a notamment les coûts abordables. Hein, veut pas, quand on pense à se développer, à s'établir, on songe aux coûts, notamment du logement. Ça, c'est un facteur important? C'est un facteur extrêmement important. Précisément, un des grands avantages comparatifs de Québec pour une région métropolitaine de cette taille-là, juste un peu en deçà d'un million, ce qui est quand même pas mal. Québec affiche des coûts vraiment très bas, à la fois en termes immobiliers et aussi en coûts de main-d'œuvre. Et c'est un avantage non négligeable. Et c'est intéressant aussi, même en termes de statistiques, pour ce qui est des revenus, de ce que je voyais dans vos notes, quand même, Québec s'en tire bien aussi. Oui, en ce qu'on appelle le revenu médian, donc la moitié, pas le revenu moyen, ouais. Mais là, précisément un revenu médian, c'est assez étonnant. Québec en sort même mieux que Montréal. Et ça, c'est parce que précisément, Québec performe bien dans la tranche intermédiaire industrielle. Si bien que vous avez beaucoup de, on peut dire, de bons salaires, mais vous n'avez pas des salaires extraordinaires. Par exemple, au Québec, même si les caisses pop sont chez vous, Québec n'est quand même pas un grand centre financier comme Toronto où vous avez des salaires extraordinaires. Donc, c'est une distribution des revenus relativement plus égalitaire que, surtout qu'à Toronto, si bien qu'on arrive au résultat étonnant que même si les revenus moyens sont plus bas qu'à Toronto, on a un revenu médian qui est à peu près au même niveau que Toronto. Vous ciblez aussi certains défis ou en tout cas des réalités, notamment la fuite des cerveaux. Qu'est-ce que vous pourriez dire à cet égard? Ben, ça aussi, ça va avec, on peut dire, cette fonction intermédiaire. C'est que le Québec est très bon dans tout un secteur, on peut dire, de moyen tech. Okay? C'est quand même pas mauvais, pas du tout. Il en faut. Mais si vous voulez vraiment être un star, une vedette internationale dans pétrochimie ou je sais pas quoi, biologie, ben, vous allez probablement quand même sortir de Québec. Okay? Vous allez à Montréal, Toronto, San Francisco. Donc, il y a quand même une certaine fuite de niveau au niveau le plus haut, les niveaux maîtrise, doctorat, dans des spécialisations. Parce que Québec, avec toute courtoisie, comme je dis, ce n'est quand même pas Silicon Valley. Okay? Or, Non, donc, effectivement, si vous voulez vraiment être en haut de l'échelle, vous allez partir. Les données, là encore, ne montrent pas que Québec reste une région exportatrice nette, si on peut parler comme ça, de cerveaux. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est non. Ce qu'on... Non, dans la mesure où la base industrielle que vous avez continue à fournir des bons revenus, pour générer des bons revenus, un niveau d'emploi qui presque on peut appeler quasiment le plein emploi. Tout le monde ne peut pas être à San Francisco ou Boston. Mm-hmm. Je veux dire, voilà. Différentes villes ont différentes fonctions et vous occupez très bien, vous êtes en train d'occuper très bien la niche où vous êtes. Elle est quand même en train de vous donner un niveau de vie. Pour le moment, en tout cas, on verra l'avenir, mais pour le moment, tout à fait agréable. Pour l'avenir de Québec, là, pour l'avenir de la région de Québec, qu'est-ce qui une pointe à l'horizon? Est-ce qu'on peut s'attendre à un déclin, à poursuivre comme ça? Pas qu'on peut s'attendre à un déclin. Il n'y a pas de déclin à l'avenir, mais ce qui est plutôt à l'avenir et qui est également inquiétant, c'est qu'un ralentissement, une espèce de... frein. Et le plus grand problème, ben, je vous annonce rien, tout le monde le sait, c'est vraiment le problème démographique. Okay? Ouais. De manque de main-d'œuvre. Et le problème de Québec, plus spécifiquement, c'est l'absence étonnante, étant donné le dynamisme de votre marché de travail, c'est l'absence étonnante d'immigration étrangère. Quand on compare à d'autres villes de cette taille-là, disons notamment au Canada anglais, Québec reçoit très, très peu d'immigrants. Et c'est là vraiment, à mon sens, le grand défi de devenir une ville beaucoup plus accueillante. Je ne dis pas que vous n'êtes pas accueillant. Mais j'adore. Non, on comprend le sens du mot. Capable d'intégrer les immigrants. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus d'immigration, parce que le premier objectif de l'immigrant, c'est de trouver un travail. Donc, il y a là, à mon sens, là, vraiment un défi, que l'image de Québec, disons, peut-être pas se transforme, mais que de cette image de Québec comme un endroit où il fait bien vivre, où on peut trouver un emploi, que cette image soit bien plus connue à travers le monde. Oui, Oui, Jean-Claude, beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Quand on parlait notamment d'immigration, il a ajouté, ça je n'ai pas tout laissé, là, mais on parlait notamment du fait qu'ici, la francisation, à tout le moins, c'est moins un défi, en tout cas certainement quand tu arrives à Québec. La francisation, ben, ça dépend de quelle langue que tu parles au départ. Oui, bien sûr. C'est sûr. Quand on accueille juste des Français, ça, c'est autre chose. Quand tu parles des Français ou des gens du Maghreb qui déjà parlent français, c'est peut-être plus facile. Mais oui, il y a sûrement raison, hein, M. Paulès, qu'il y a moins, toute proportion gardée, moins d'immigrés à Québec qu'à Toronto ou à Vancouver. Mais il faut se dire aussi que Toronto, c'est un cas exceptionnel. Là. Je pense que plus de la moitié de la population qui n'est pas née au pays, là, oui. C'est, je ne sais pas, ça peut peut-être poser certains problèmes, ça aussi. Donc, entre, c'est toujours une question d'équilibre. Moi, je pense j'apportais aussi à M. Paulès, je n'ai pas eu le temps d'en parler, là, mais peut-être Québec aussi n'est pas loin de l'espèce de recherche d'équilibre dont je parlais tantôt. Il faut que tu sois assez gros pour favoriser les interactions, favoriser une certaine diversité culturelle et économique, mais il ne faut pas que tu sois trop gros non plus pour ne pas multiplier les problèmes de sécurité, de pollution, de congestion, etc. Donc, on ne sait pas, probablement que ça varie selon les villes, mais peut-être que Québec n'est pas si loin que ça de cette espèce de point d'équilibre entre trop et pas assez. Peut-être mentionner aussi qu'il a parlé du secteur manufacturier qui n'est pas si mal à Québec, c'est intéressant. Moi, j'aurais mentionné aussi que Québec, c'est une ville universitaire, une grande université à Québec. Et ça, c'est important aussi parce que ça génère justement des activités très intéressantes. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui sont démarrés par des ex-finissants de l'Université Laval qui démarrent des choses, comme Expo, par exemple. C'est un exemple qui me vient à l'esprit. Oui, mais ce qu'il me faisait dire, d'ailleurs, quand il parlait d'exode des cerveaux, je comprenais ce qu'il voulait dire. En termes, on parle de cas exceptionnels où ceux qui vont aller dans d'autres régions du monde gagner quelques millions. Reste que, de manière générale, la ville universitaire que nous sommes attire des cerveaux. Elle attire des cerveaux, puis je vois dire aussi qu'il y a des cerveaux qui restent à Québec. Tout à fait, oui. Robert Lepage, puis les violons du roi, notamment, c'est quand même intéressant. Ça génère du développement économique, ça. Mais là, je pense justement... Blague politique, allons-y. Je ferais lien avec le point que je mentionnais tantôt, c'est peut-être la qualité de vie de Québec. Évidemment, ça pourrait s'améliorer, je dis pas que tout est parfait, mais toute proportion gardée, par comparaison, c'est peut-être ce qui fait qu'on réussit à conserver certains de nos cerveaux. Oui, c'est sûr que l'équilibre reste une force indéniable à Québec. Ben voilà, ça fait le tour de cette large et importante question de l'économie et du monde municipal, mais en même temps, on continue avec Isabelle qui est avec nous de retour cette semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour David. Isabelle Vaillancourt qui nous parle, en fait, amène un peu de vert dans notre économie, développement durable, avec un angle très intéressant cette semaine pour parler de ces investissements qu'on fait qui parfois on peut les trouver lourds, mais c'est à long terme qu'on y voit des gains, des bénéfices absolument importants. Là. Absolument, puis il y a plusieurs domaines où les municipalités aurait vraiment davantage à penser à plus long terme s'ils voulaient faire des économies. Là. On s'entend que ce n'est pas nécessairement juste des économies pour le palier municipal. Hein. Souvent, ça rejaillit sur l'ensemble de la société. Mais écoutez, lors de ma dernière chronique, je parlais d'un troisième lien qui réglait en rien les problèmes de congestion dans la région. C'est 2-3 milliards de dollars d'économies, ça, tout de suite en partant. Là. C'est un objet patrimonial, non? Oui, ben, c'est ça. Ça dépend c'est le domaine culturel. Ouais. Mais écoutez, vraiment, c'est mon premier dossier, justement, le transport en commun cette semaine. Je vais essayer de vous faire des liens entre l'environnement, mais vraiment l'économie au niveau municipal. Oui. Et juste là, s'il n'y avait pas de transport en commun, pour vous donner des chiffres, là, les automobilistes américains perdraient à peu près 800 millions d'heures de plus dans le trafic chaque année. À Montréal, là, on parle de 2 milliards de dollars par année. Oui. Donc, investir dans le transport en commun, c'est vraiment rentable. Et je vous entendais, M. Jean-Claude, tout à l'heure, parler de la pollution environnementale. Vous parliez d'une étude qui était sortie, c'est justement hier, c'est de Lancet, le journal britannique, qui a sorti une étude, en fait, et j'étais en train de préparer ma chronique au même moment. Et ce qu'on disait, en fait, c'est que la pollution environnementale fait plus de décès par année que chaque année, toutes les guerres, toutes les violences du monde, plus que le tabagisme, la famine, les catastrophes naturelles, et plus que le sida, la tuberculose et le paludisme regroupés. C'est titanesque, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. En fait, on parle de 4 600 milliards de dollars US en perte annuellement. C'est 6,2% de l'économie mondiale. C'est ça qui est intéressant, parce que les chiffres que tu amènes, on parle vraiment de l'économie. Là. Je veux dire, il y a quelques années, on peut avoir l'impression que quand on se lançait dans ce sentier-là, on ne parlait pas de chiffres, on ne parlait pas de données, on ne parlait pas d'argent. Non, on parle d'argent. Juste d'argent, là. aujourd'hui, je vais vous parler pratiquement juste d'argent. Je pourrais vous parler des bienfaits sur la santé des gens, mais je le ferai pas. Donc, on pourrait dire que ces chiffres-là, ben oui, écoutez, c'est en Chine, en Inde particulièrement, là où les problèmes de pollution sont importants. Mais il y avait cette semaine à Québec un colloque ici dans la région de Québec sur la pollution de l'air, la qualité de l'air. Et j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Robert Smith, qui est un économiste dans le domaine. Ah, c'est le chanteur. Okay. Non, c'est un économiste, en fait. Et c'est fascinant parce qu'il vient, il y a une étude qui a été publiée cet été sur justement la pollution de l'air. Et lui, il spécifie, c'est vraiment juste la pollution. Il s'est penché sur la pollution de l'air. Et on parle de 36 milliards de dollars en soins de santé annuellement au Canada juste pour la pollution de l'air. C'est simple. Chaque fois qu'il y a un épisode de smog, on note, là, dans les hôpitaux, vraiment, les gens sont plus hospitalisés, il y a plus de patients. À Québec, on parle d'à peu près 1 milliard de dollars par année que ça coûte. Donc, si on réduit la pollution de 10 % puis on construit un tramway électrifié, on économise déjà en partant 100 millions de dollars par année. Donc, c'est rentable d'investir dans les transports en commun. Et je veux vous parler aussi, qui dit transport en commun, on dit aussi des gens plus actifs, parce que, vous le savez, on a des problèmes de sédentarité de plus en plus au Québec. Depuis les 20 dernières années, la population adulte a vu son tour de taille augmenter. Donc, des frais liés au domaine de la santé aussi qui sont très importants en matière d'obésité. Et il est démontré que les gens qui utilisent le transport en commun ont des taux moins élevés de surpoids ou d'obésité. Chaque kilomètre que vous marchez par jour diminue de 5 % la probabilité d'obésité. Et c'est la même chose inverse. Chaque heure que vous passez dans votre char augmente la probabilité d'obésité de 6 % Donc, c'est pas négligeable. Donc, on est vraiment dans les bienfaits aussi personnels. Là. C'est ça. Puis je vous ai dit que je les aborderais pas aujourd'hui. Pareil. C'est juste une manière de dire qu'ils le faisaient pareil. Mais ils sont là. C'est concret aussi. Puis ça, il y a des coûts. De toute façon, il y a des coûts. Encore là, on pourrait parler de piastres parce que si t'es moins malade, ça coûte moins cher de toute Absolument. Façon. Absolument. Et il y a aussi tout le domaine, là, c'est mon deuxième sujet, le verdissement des arbres. Oui, ça aussi, c'est de l'investissement qui est important puis qui a des gains, il y a des bénéfices. Qui rapporte, c'est ça. En fait, pour une ville, plus globalement, c'est sûr pour la société, c'est vraiment payant d'investir dans le verdissement. À Montréal, là, la ville évalue que la valeur des propriétés immobilières dans les zones qui sont plus végétalisées est de 18 à 20 % supérieure à celle des autres secteurs. Donc, qu'est-ce qu'attendent les villes pour planter plus d'arbres? C'est vraiment important. Et aussi, puis là, ben là, vous me voyez venir avec mes arguments de la santé, c'est bon pour la santé. Là, juste visiter un espace vert 30 minutes par semaine, on réduit de 7 % la prévalence de la dépression dans la population. Ça, c'est 2 milliards de dollars par année au Canada. C'est vraiment très important. Et je m'en voudrais, en terminant, de ne pas vous parler des changements climatiques, parce que vous savez que les municipalités sont vraiment sur le front, en fait, en matière de changement climatique. Et c'est souvent elles qui ont les conséquences des changements climatiques. On parle d'événements météo extrêmes, des chutes de neige, incendies de forêt. Là. Et ce qui est le fun, d'ailleurs, c'est que les municipalités se sont senties interpellées. Elles ont bien répondu. Elles ont voulu répondre. On dit, garde, on veut compter dans la balance. Faites pas semblant qu'on n'existe pas. La plupart, oui. Oui, la plupart, bien sûr. Ça. Je pourrais t'en nommer qui ont dit non, mais ça, c'est autre chose. C'est ça. En fait, on se doit d'avoir des plans de réduction des gaz à effet de serre, des plans d'adaptation au changement climatique. Montréal en a un qui est quand même très complet. Et juste un petit chiffre en terminant, c'est la Fédération canadienne des municipalités. Elle estime que si vous construisez pour une municipalité, par exemple, une structure de contrôle des eaux de ruissellement qui vous coûte autour de 100 000 $ ça peut vous permettre d'économiser, pour la municipalité, on parle là, jusqu'à 10 millions de dollars en dommages. Donc, c'est vraiment très important. Alors, écoutez, je vous parle en terminant de sa marge. J'aimerais ça que tu me parles de ça parce que c'est un peu beaucoup pour ça aussi que je t'invite, que tu es là. Parle-moi-en, s'il te plaît. Bien, en fait, moi, je travaille pour un organisme, pour le Conseil régional de l'environnement, et un organisme qui s'appelle Sa marge doc. À toutes les semaines, on fait marcher les gens. C'est un projet qui a été l'idéatrice de ce projet-là. C'est Joanne Elsener, qui est bien connue dans la région de Québec pour avoir plusieurs chapeaux. Et elle voulait vraiment faire le lien entre l'aménagement du territoire, mais aussi les problèmes de santé. Et l'année dernière, a été créée avec les établissements dans la région de santé, le Fonds vert, mais aussi le CHUS, le CIUS Chaudière-Appalaches, le CIUS Capitale Nationale, et également l'INSPQ et l'UCPQ, l'Institut de cardiologie et pneumologie. Et ils ont tous embarqué dans ce projet-là et ça a donné une série de marches l'année dernière. À tous les samedis, on marche dans différents quartiers de la ville de Québec. Cette année, c'est nouveau, on va sur la rive sud aussi. Et on marche en compagnie d'un médecin pour parler justement des bienfaits des aménagements, par exemple les trottoirs, les parcs, le verdissement sur la santé. Et l'année dernière, il y avait une série de chroniques à la radio, à Radio-Canada. Et cette année, ça a fait le saut à la télé. Moi, je m'occupe particulièrement du volet télé à ma TV. Ça s'appelle Ça marche doc télé. Et à chaque semaine, on a des urbanistes, des médecins qui nous parlent des bienfaits d'un bel aménagement du territoire sur notre santé. On parle de transport en commun, de trottoirs, de bouts de rue, de parcs, de verdissement. qui se fait sauver des pièces au bout du compte. Oui. Rappelons-le. Mais oui, on peut vous suivre sur Facebook. Je sais que moi, en tout cas, moi, je vois passer pas mal. Là. J'ai absolument, liké. Là. Absolument. Aussi sur samarchedoc.org. Là, il y a tous les détails. Il y avait une marche ce matin. Il y en a une la semaine prochaine. À toutes les semaines, beau temps, mauvais temps. Des fois, des endroits sont moins propices à la marche parce qu'on veut justement que les gens réalisent que des endroits à Québec sont pas toujours beaux, puis c'est pas toujours fait pour les cyclistes, pour les piétons, puis en fonction du transport en commun. Ce qui risque de motiver les gens à le dire, à en faire part aux autorités locales, municipales, et fait apporter des changements. Être des acteurs de changement, c'est ça qu'on veut. Tout à fait. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. C'est pas si bol C'est lié avec ce que je te fais entendre. В ночь перед бурею на мачте Горят святого Эльма свечки, отогревают наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки, да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай несет нас черный парус, пусть будет сладок ром ямайский, все остальное ерунда. Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, ей-богу, я во всем покаюсь. Jean-Claude, maintenant, un chiffre de la semaine. Il nous reste quelques minutes pour en parler. C'est un chiffre lancé comme ça. C'est sûr que si je dis 38,3, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être le salaire quotidien d'un joueur de baseball. Mais 38,3 millions. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas des piastres. Pour c'est pas des piastres, pour une pas fois. Des piastres. Non, c'est une population. C'est parce que c'est un peu en lien avec le thème de l'émission. C'est la plus grande agglomération urbaine au monde. Et c'est des chiffres de 2020. C'est une projection, mais une projection de 2020, c'est quand même presque demain. C'est la population projetée pour l'agglomération de Tokyo, au Japon. Ça veut dire qu'il y a le Canada à Tokyo. Oui, comment? Ça veut dire que le Canada à Tokyo? Ben, tu me voles un peu mon punch. C'est un peu ça, mon punch. C'est-à-dire la population du Canada, mais dans ce cas-là, c'est en 2014. Peut-être qu'en 2020, ça va être un peu plus élevé. Mais le Canada, en 2014, c'était 35,5 millions. Donc, effectivement, disons que le Canada, ça va peut-être être 37 millions en 2020. Tokyo, c'est plus que la population du Canada. C'est quand même incroyable. Puis, parmi la liste, là, je regardais dans mon petit livre les 48 villes, les 48 agglomérations mondiales de plus de 7,6 millions. Évidemment, il n'y en a aucune du Canada, il y a encore moins du Québec là-dedans, mais la plupart, c'est en Asie, en Inde, en Chine. En Chine, il y a 11 villes de plus de 7,6 millions. 11 villes d'agglomérations urbaines de plus de 7,6 millions. En Inde, il va en avoir 6. Aux États-Unis, il y en a 3. On voit très bien, là, c'est pas les mêmes dimensions. Et aux États-Unis, ça va être toujours New York, Los Angeles et Chicago. Toutes ces villes-là, il y a 48 villes dans le monde qui vont être plus populeuses ou à peu près que le Québec. Tu sais, le Québec, c'est à peu près 8 millions, 8 millions et demi en 2020, là. Il y a 48 villes dans le monde qui vont être plus populeuses que le Québec. Puis la meilleure, Tokyo, est plus populeuse que le Canada. Donc, est-ce que ces villes-là, si on a posé beaucoup la question tantôt, c'est quoi la taille optimale? On ne le sait pas, ça dépend des villes. Peut-être que Tokyo, peut-être les Japonais, on sait qu'ils sont très portés sur la propreté, la rigueur. Peut-être que pour eux, c'est vivable à 38,3 millions, mais c'est quand même beaucoup de monde. C'est organiser les infrastructures, aqueduc et goût de ça, c'est absolument hallucinant. C'est ça, de faire que ça fonctionne là, sans trop d'inconvénients, sans trop de congestion, sans trop de pollution, comme on disait tantôt, comme Isabelle disait tantôt. Ouais. C'est tout un défi. Mais ça fait aussi réaliser les marchés, quand on parle tout le temps de l'Asie à l'Asie, les marchés. Bien sûr, on parle de villes populeuses, ce ne sont pas que des endroits où on est fortuné, où nécessairement on va aller acheter un paquet de bebelles, mais ça fait quand même réaliser les marchés. Bien, c'est-à-dire, oui, ce que tu dis, notamment, c'est que quand même l'Inde, il y en a 6 de plus que 7,6 millions. Puis Delhi, la deuxième, j'aurais peut-être pu le mentionner, loin derrière Tokyo. Tokyo, 38,3. New Delhi, enfin, on l'appelle Delhi maintenant, parce que ça commence à être moins nouvelle. C'est 29,3 millions. Shanghai, 27,1 millions. Beijing, 24,2. Donc, tu vois, là, c'est ça, les ligues majeures, c'est ça. Tout à fait. Hey, c'est une bonne idée, par exemple, si on va changer le nom de Nouveau-Brunswick pour Brunswick. On commence à être habitué un peu, moi, je trouve. Merci, Jean-Claude. Alors, c'est déjà tout pour nous. Merci infiniment, Jean-Claude. Merci pour cette précieuse collaboration. Merci aussi à Isabelle Vaillancourt pour cette chronique. Gros merci à Mario Polaz qui s'est montré disponible. Il revenait du Mexique, lui. Il dit, bah oui, tu peux m'appeler. Samedi, 10h, on va faire ça. Fait qu'on a été capable de se parler. Merci beaucoup à M. Polaz. La semaine prochaine, à moins que je ne me trompe, on célèbre les 10 ans du début de la crise, hein, c'est ça, Jean-Claude? De deux crises. Celle de 2007 et celle de 1987. On aime ça, les crises. Oui, des crises financières. Yeah! Alors, soyez à l'écoute la semaine prochaine. Merci donc de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter, à réécouter en balado. Visitez le econophile.net. Merci et à samedi prochain.